Et bonsoir à tout le monde, bienvenue dans La Pochette. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un one-shot d'un album d'un artiste, du seul album d'un artiste, un artiste qui s'appelle Goliath, qui vient de Basse-Navarre et qui joue tout seul. Donc là, vous allez me dire, il fait certainement de la folk. Eh bien, vous n'avez pas complètement tort. Cela dit, il fait de la folk, mais avec quelques pédales d'effet qui sont assez cool, dont notamment le plus important, c'est le looper. Qu'est-ce que c'est un looper ? C'est une pédale qu'on raccorde à sa guitare, à sa voix, à n'importe quel instrument, et qui va looper, c'est-à-dire boucler ses parties musicales. Et c'est comme ça que les gens qui utilisent cette pédale vont construire leurs morceaux, généralement en tout cas. Ça a commencé par, 4 accords, hop, on enregistre, on le fait boucler, ensuite une petite mélodie à la voix, on le fait boucler, une petite mélodie à la guitare, etc. etc. Et selon la qualité du looper, on peut faire deux parties différentes l'une de l'autre, ce qui fait qu'on peut switcher de suite d'accord par exemple, ou de tonalité, ou tout ce qu'on veut. Dans le cas de Goliath, il me semble pas qu'il avait plusieurs canaux différents, il me semblait qu'il n'en avait qu'un seul. Il utilisait donc une guitare, il utilisait la batterie qui était intégrée à son looper, qui est forcément très importante puisque c'est elle qui va dicter le rythme et celle qui va dicter quand est-ce que la boucle s'arrête et quand est-ce qu'elle commence. Il utilisait sa voix et il utilisait aussi un clavier tintant avec plutôt un son de piano. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de Goliath, mais vous le connaissez en fait certainement parce que vous l'avez déjà entendu puisque vous écoutez toutes les émissions de Radio No Culture, et donc vous avez pu l'entendre dans Chronobio, je crois que c'est 4, 5 ou 5 et 6 sur Berichak, puisque Goliath est le nom de scène de David Ondars, qu'on avait déjà eu avant aussi, qui était venu donc nous faire ce chronobio sur Berichak. Entre temps, il a arrêté la musique, enfin il joue toujours de temps en temps de son côté à lui, mais il a préféré aller vers du théâtre, même si il me semble qu'il avait un projet, je suis pas sûr s'il a concrétisé ou pas, qu'il avait un projet d'espèce de théâtre avec un peu de musique, tout ça. De là à dire que c'était une comédie musicale, je ne crois pas, mais il y avait quand même quelque chose entre les deux. Aujourd'hui, donc, on va écouter le premier et le seul album de Goliath sorti en 2016. Il avait enregistré avec Paco à l'époque, pour ceux qui connaissent, et il avait enregistré sur un format live. Alors, je pense pas qu'il ait utilisé sa pédale de boucle, mais il a quand même construit ses chansons sur l'album comme il l'aurait fait en live, c'est-à-dire comme avec une pédale de boucle, ce qui fait que la structure de ses chansons ne change pas du live. À l'album, en tout cas pas trop, puisqu'on peut voir cette pédale comme une contrainte, c'est-à-dire que quand on est tout seul, on est obligé d'avoir plus ou moins la même structure pour toutes les chansons, c'est-à-dire quelque chose qui monte petit à petit en faisant des couches et des couches de son, ce qui est possible de ne pas faire même quand on est tout seul en studio. On peut se dire directement on va commencer tout de suite avec 14 instruments si on a envie, même quand on est tout seul. Là, il avait choisi un format plus proche du live, et il utilise même, il me semble, la batterie de son looper, qui avait ensuite été bien boosté par Paco. Mais voilà, on est sur quoi, une petite dizaine de chansons, 9 chansons. Moi j'adore la dernière, l'Urpéan, qui change beaucoup du reste de l'album. C'est un peu ma préférée, et vous allez voir qu'il est dans son monde à lui, c'est de la folk, mais ça va un peu vers le rock, voire presque vers le post-rock. Enfin voilà, sorti en 2016, Goliath a arrêté depuis. N'hésitez pas à lui envoyer des messages si vous le trouvez sur Instagram, je crois pas, mais sur Facebook peut-être qu'il a encore une page, pour lui demander quand arrivera son deuxième album. En tout cas, moi je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine pour la boîte à gants, et voilà, c'est tout. 2016, Goliath, bonne écoute, salut. Thank you. ezten utsaha hatalan jeha gainditzen iritsi jausita pausatu lasatzen aiz nire uartego jaun. Zarita in da rabit, mar mar dan barura zen. da entzuten beti besteekin da ikasten informaziotik aberastasunera bide luzegi da buhumba buruan sustut ez ibiri zure munduan bateketa goza ederki goza gure izatean da borukatu ala hil jaio He said Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No, I am the one who knocks. Pare Baina noch da Goliath David Gabe Baina noch da Goliath David Gabe Baina noch da Goliath David Gabe Baina noch da Goliath David Gabe mana noch da Goliath, Goliath, Goliath. eseginai haintzinetik nakien urrengo gai obraren pogoskak erez bidean menditonto gerat banatot enezakuan ez duzu aurkituko ez horratzez sos ez auri lotzekorik bainan ozeano astun bat malko olatuz beterik zure eleek akitu naute baina zure dudek ez natu naute hatxik zure arauak itxuren dako kontrolatu nahi dut behiro bakartasuna lagun bakarra zorion poza unkitzera noa hor nago oartzen zirezte ilagiek eguna ikusten dute hain urbilu gadoa lujera airean zerua izaki bat da indahin gabe etzaten naiz helurbean helurbean helurbean ez nintzen igan helurbean helurbean helurbean ez nintzen igan bakartasunean iguzkiaren esperoan aitortzekotan beti sinestekotan utxko gogan gainean bakartasunean iguzkiaren esperoan aitortzekotan beti sinestekotan elurpean Thank you.